Dixième chapitre, la grande chartreuse et la légende de Saint-Bruno. Stat Cruxdum volvitur orbis. 1889. Il y a une sorte de révélation historique immédiate et surprenante dans tous les lieux où l'homme a fait sa demeure. Leur vue, aidée d'un livre ancien, d'un trait de légende presque oublié, parfois d'une simple inscription, évoque dans notre âme, ébranlée de vibrations subtiles, non seulement les scènes du passé, mais encore l'âme même des peuples et des individus, et par cette âme les motifs secrets des actions humaines, les raisons profondes des événements. Grands et petits aspects de la nature, côtes maritimes, plaines plantureuses et montagnes inhabitées, villes, églises, châteaux délabrés, palais somptueux, tombeaux inconnus, douteuses effigies exhumées du sol, ruines à moitié recouvertes de l'uniforme manteau de verdure dont la fière Cybèle recouvre avec nonchalance sa propre nudité, et les travaux lilliputiens de la fourmilière humaine, toutes ces choses ont leur puissance spéciale d'évocation et en quelque sorte leur langage propre. Dans tous les pays, sous toutes les zones, la nature imprime son sceau à la race, et la pensée la plus rebelle subit ses lentes et sûres influences. Mais il y a des lieux uniques, des paysages d'une originalité grandiose, où c'est au contraire un homme ou un groupe élu qui choisit un coin de nature comme symbole d'une pensée et lui imprime son sceau pour les siècles. Là, le paysage devient véritablement l'expression d'un état d'âme, et la mystérieuse harmonie entre l'homme et la nature atteint toute son intensité, parce que son cadre devient l'illustration pittoresque de son plus intime sentiment, de ses plus hautes aspirations. Tel est le charme de la plupart des sanctuaires antiques et modernes, temples, acropoles, couvents, monastères, lieux de pèlerinage consacrés par de séculaires adorations. En eux se résument et se racontent des chapitres entiers de l'histoire de l'âme humaine. Il y a là beaucoup de rêves, beaucoup de souffrances et beaucoup de pensées pétrifiées. Si chaque été nous ramène des villes à la mer, au bois, aux montagnes, c'est pour y chercher l'oubli de nos fatigues, de nos misères, de nos tristesses, et redemander un peu de force aux éléments éternellement jeunes de la terre. Mais si d'aventure nous visitons ces hauts lieux, ne serait-ce pas par un secret désir de revivre les émotions d'êtres plus grands que nous-mêmes par la douleur, par la volonté ou par l'espérance, peut-être aussi de descendre un peu plus avant dans notre propre cœur avec la lampe vacillante de l'éternelle psyché? À diverses époques de ma vie, j'ai éprouvé cette invincible attraction que la solitude des cloîtres exerce sur le cœur troublé ou sur la pensée inquiète. Mais ce qui m'a frappé, et ce qu'aucun livre ne m'avait fait comprendre, c'est l'espèce de révélation psychique instantanée et d'extension du rayon visuel en histoire que peuvent nous donner ces vieux sanctuaires dont le site, la construction et les souvenirs, subitement évoqués, ressuscitent parfois en une minute visionnaire l'image du fondateur. J'eus cette impression souveraine pour la première fois il y a de longues années en Italie, au sanctuaire de François d'Assise, en Ombrie, et peu après, non loin de Naples, à celui de Saint-Benoît au Monte Cassino. Je crois voir encore la douce colline d'Assise, la plaine ombrienne de végétation élégante et si sérieuse, baignée de tons chauds au crépuscule et bordée d'une ceinture de montagnes d'un violet foncé, dont le velours semble savourer, après le coucher du soleil, la pourpre cramoisie et l'orange incandescent du ciel, comme les âmes méridionales s'embrasent de passion ou de mystique amour. J'ai toujours devant les yeux la sombre crypte d'où émergent lumineuses les peintures du Giotto, anges et moines d'un dessin aigu et d'une extatique beauté. Là, je compris tout à coup le cœur de François d'Assise, cet enthousiaste de charité et d'amour universel qui donna une impulsion si puissante aux sentiments religieux du Moyen-Âge et, par suite, à l'art de la Renaissance. Je n'ai pas oublié non plus la pyramide du Mont Cassin, entourée de l'âpre cirque des Apennins et couronnée de son majestueux couvent comme d'une forteresse de science et de prière. Pendant la nuit de juin que je passais dans un ravin au pied du monastère, des essaims de lucioles ardentes tourbillonnaient comme des écharpes de lumière dans les buissons, amoureuse réponse au scintillement de la Voie lactée et du firmament, dont la coupole s'agrandit à mesure que l'on monte. J'étais plongé alors dans l'ivresse de la beauté antique et de ses mystères séducteurs. Je redonnais toutes les églises pour un marbre du musée de Naples et tous les couvents de la terre pour voir évoluer un cœur d'Eschyle ou de Sophocle. Et pourtant, en cette nuit, au milieu d'une foule d'autres émotions, je compris la grandeur de saint Benoît qui, au VIe siècle, se retira sur cette montagne, siège d'un ancien temple d'Apollon, pour y fonder l'ordre des bénédictins. Invinciblement, je vis se dresser devant moi la figure du moine doux et intrépide, devant lequel le terrible roi des Goths, Totila, le conquérant de l'Italie, tremblait comme un enfant. Depuis les sensations intenses et révélatrices d'Assise et du Mont Cassin, l'envie me hantait de voir la Grande Chartreuse, le plus célèbre couvent de la France, manifestation extrême de la vie monacale et du renoncement ascétique au Moyen Âge. L'automne dernier, j'ai réalisé ce désir ancien. J'essaierai de rendre ici l'impression grandiose que j'ai reçue d'un des plus fiers paysages des Alpes dauphinoises et de l'un des plus curieux monuments de notre passé. Involontairement, peut-être, s'y mêleront quelques pensées sur l'âme contemporaine, suscitées par les souvenirs des lieux environnants, ou quelques réflexions sur la crise religieuse et philosophique que nous traversons. Elles pousseront au hasard de la route, comme ces innocentes campanules qui tantôt se cachent dans l'herbe folle, tantôt s'accrochent aux rochers surplombants. Quiconque voyage ouvre les yeux et laisse courir sa pensée. C'est un moyen pour chacun de nous d'échapper à son présent, de remonter son passé ou d'aller au-devant de son avenir. Et ce qu'on fait si volontiers pour soi-même, ne serait-il pas plus intéressant encore de le faire pour cette âme collective, vaste et multiple, mais non moins réelle, identique et une, de tout un peuple, surtout pour celle de sa patrie ?